ce que je vais vous parler, donc, c'est des savoir-faire locaux et des cabanes que les Inuits ont construites sur le territoire. Dans un premier temps, je vais vous parler de mon travail de mémoire, qui est un peu un développement d'une méthode là, pour arriver à les lire. Puis, par la suite, ben, l'exercice du PFE qui est très intriqué par rapport à ça, parce qu'il m'a permis, c'était un exercice justement pour développer un peu le potentiel de cette méthode-là. Donc, oui, puis en fait, la présentation, c'est un peu un match-up de plusieurs présentations ensemble. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout présenter. Donc, il y a certaines choses pour lesquelles j'irai plus vite. Puis sinon, ben, si jamais vous avez des questions, je suis à l'école, là, on aura l'occasion de s'en reparler. Donc, ben, le Nunavik, vous savez c'est où, j'imagine. Aujourd'hui, moi, je m'intéresse plus en particulier au village de Saluit. Qui, vous le voyez, est au centre de la carte, au village de Saluit et à son fjord. Les gens de cette communauté-là, traditionnellement, là, parcouraient une région assez large là, qui se rendait là, ici jusqu'à Kanjiksuk-Durak et qui pouvait monter là, jusqu'à Inuvik. Donc, toute cette zone-là, là, du nord de l'Ungava, était leur territoire. Aujourd'hui, ils sont plus concentrés dans nos activités de chasse et de pêche là, autour du fjord, puis autour d'un endroit ici qui s'appelle Decision Bay, qui est le port d'une mine importante, la mine Dragon. Donc, mon travail avec le partenariat, avec la communauté de Saluit, a commencé en 2016 à travers un atelier. J'en parle juste pour vous dire que ça a été un peu le point de départ de toutes ces questions-là, par rapport à la matérialité, par rapport à. Qu'est-ce qu'on peut faire localement quand on travaille dans le Nord? Parce qu'à travers ce projet-là, qui est un projet d'habitation, on avait développé avec Antonin, qui est un autre étudiant, puis du partenariat avec Marie-Claude, l'idée d'utiliser la terre locale pour intégrer à la fois là, des principes de salaire passif, des principes de main-d'œuvre locale. Donc, partant de là, ben. J'en suis amené à m'intéresser à ce qui existe déjà comme pratique locale. Puis cette pratique locale-là, c'est la construction de tout plein de cabanes. Ces cabanes-là sont parfois très modestes, parfois plus développées. Ils sont essentiellement là, une espèce de tremplin pour les activités du territoire. À partir des cabanes, c'est plus facile d'aller chasser, c'est plus facile d'aller pêcher. Mais c'est aussi l'occasion pour beaucoup de gens de se retrouver dans une espèce d'environnement qui fait plus de sens à qu'est-ce que signifie l'habité inuit. Puis là, je dis l'habité inuit avec moi-même un grand point d'interrogation parce qu'il n'y a pas de définition claire sur qu'est-ce que c'est. Mais ce qu'on remarque, surtout dans la littérature, c'est que ben, ces cabanes-là incarnent un espace où on se sent bien, un espace où on va pratiquer, par exemple, des salles de guérison, un espace où on est plus enclin à avoir des activités de socialisation, des rencontres de famille. Donc, ça fait partie, c'est une part importante de la culture qui se manifeste à travers tout ce qui implique la cabane, sa construction, sa pratique, sa visite, puis ça meuble beaucoup le quotidien des familles. Aujourd'hui, les cabanes, ils impliquent un certain coût, ne serait-ce que pour s'y rendre, puis pour les construire. La plupart sont construites en matériaux recyclés, justement pour ça. Mais encore là, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès, et ça, même si ils sont assez près du village. Donc ici, vous avez une image du fjord de Saluit. Ça fait à peu près 25 km là, sur tout son long. Le village est au centre ici. Puis tous les points en noir que vous voyez autour, ben, c'est les campements. Il y en a à peu près une vingtaine. Puis selon mes estimations, là, en 2019, il y a à peu près 100 cabanes de construites dans le fjord, avec 10 nouvelles entre 2018 et 2019. Donc, il y a encore un engouement hein, pour la construction de ces cabanes-là, malgré le fait que ça présente un certain défi. Souvent, les familles vont s'allier ensemble pour construire ne serait-ce qu'une petite cabane puis se la partager à différents moments dans l'année. Sinon, ça va être l'opportunité d'aller faire du camping chez le campement d'un parent ou d'un ami. Donc, je me suis intéressé aux cabanes, puis la première étape qui m'apparaissait essentielle, bien, c'était de m'intéresser à ce qui précédait les cabanes. Parce que les cabanes ne sont pas arrivées ex nihilo tout d'un coup. Je pense qu'il faut les voir un peu, ou du moins, c'est l'hypothèse que je porte, là, les voir comme un processus évolutif entre les habitations traditionnelles, les premiers campements, puis qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Puis pour ça, ben, il n'y a pas beaucoup... les cabanes ne sont pas beaucoup documentées. Ils sont documentés d'un point de vue anthropologique sur qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce que les gens y font. Mais en termes de, d'architecture puis d'aménagement, il y a très peu d'informations. Donc, cette partie-là, je vais passer rapidement parce que je pense que je pourrais passer quasiment une heure là, sur chacun des types d'habitats vernaculaires qu'on retrouve ou qu'on retrouvait dans la région de Saint-Louis. Mais ça a été de m'intéresser, par exemple, aux techniques constructives des igloos. Des égouts qui n'ont pas juste une forme d'égout. Il y a des égouts de chasse, des égouts de famille. Comme ici, par exemple, des égouts de famille vont avoir plusieurs dômes avec des pièces avec différentes fonctions, des pièces communes, des pièces de repos, des pièces d'entreposage, des pièces pour fonctionner. Tout dépendant de si on se trouve près de la côte ou dans les terres, les égouts vont être construits différemment. Sur la côte, on a accès à beaucoup de graisse, donc un combustible qui fonctionne bien. À l'intérieur des terres, c'est différent. On va avoir une cheminée, par exemple, pour cuisiner, une cheminée en glace. Il y a tout plein de nuances, de petites innovations techniques là, qui sont très riches et qui rentrent justement dans ces savoir-faire locaux-là qui ont pu évoluer à travers le temps. Donc, je vous parle des igloos. Puis ça, heureusement, c'est très documenté là, justement sur les façons, les différentes façons de construire différents igloos. Naturellement, il y a les tentes aussi, les différents modèles de tentes. Il n'y a pas juste une tente conique. Il y a des tentes qui sont, comme on le voit en haut ici, le plus avec une barre transversale. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis aussi intéressé à ce qu'on appelle les karmaks, qui sont des habitations semi-souterraines. Des habitations qui... Si dans les 100 dernières années, apparemment, ils ne s'en seraient pas construits beaucoup dans la région de Saint-Louis, qui sont encore très présentes dans la culture locale, parce qu'on en parle beaucoup, puis même que plus contemporainement, là, on en construit encore. Maxime Rochette avait par exemple pris en photo là, à Coulivic une espèce d'adaptation de qu'est-ce que sont les garments. Donc c'est un trou qu'on creuse sur lequel on va placer soit de la tourbe, soit des pierres, puis sur lequel on va adapter une structure en toile tendue sur des murs d'à peu près un mètre d'épais. Donc, c'est des habitations transitoires qui ne servent pas au plus fort de l'hiver, mais qui vont servir, par exemple, au début, quand il n'y a pas assez de neige pour construire un igloo, ou à la fin du printemps, quand la neige a fondu, puis qu'on doit... puis qu'il ne fait pas encore assez chaud pour habiter la tente. Des igloos bigac, ben, dans la littérature, on remarque qu'il n'y en avait pas juste par système d'empilement, il y en avait aussi par système de panneaux avec de la glace. Quand il n'y avait pas assez de neige, ça pouvait être aussi une option de prendre de la glace gelée sur les lacs d'eau douce puis de les transporter jusqu'à la banquise. C'est quand même une opération assez qui demande beaucoup d'efforts. Donc là, à ce moment-là, on travaillait plus par panneaux puis par joint entre ces panneaux de glace-là. Puis là, j'aurais pu m'intéresser à toutes sortes d'outils que les Inuits ont fabriqués. Puis j'en ai choisi deux parce qu'ils ont encore une forte importance, puis un rapport avec le bois, qui est le matériau principal des cabanes. De voir comment est-ce que les usages du bois ont pu évoluer aussi à travers certains assemblages de cabanes. Donc le kayak, qui demandait beaucoup de détails, beaucoup de connaissances sur comment est-ce que se comporte l'eau, comment est-ce que se comporte l'embarcation, de compréhension des charges qui sont appelées à se répartir sur chacun des mouvements, que ce soit dans la poursuite d'un beluga, d'un phoque ou dans la traction d'une proie à chasser. Puis le camoutique, qui est encore très utilisé, qui maintenant n'est plus derrière des chiens, mais derrière des skidoo, et qui se construit essentiellement de la même façon. Je vous dirais que ce qui a changé, c'est la nature du cordage, qui n'est plus d'origine animale, puis les patins qui sont maintenant des patins de plastique qui sont fixés sur le bois. Mais autrefois, c'était une espèce d'enduit organique de graisse, de sang, puis de sphène qui était gelé puis appliqué sur le patin. Donc, de regarder tout ça un peu candidement, sans nécessairement, en essayant de comprendre chacun de ces systèmes-là, pour les avoir en tête quand viendrait le temps de décomposer les cabanes. Juste de décomposer, déconstruire, je vais y venir. Voilà. M'intéresser aussi aux premiers types de construction des campements qu'il y a eu dans les villages. Ici, bien, on a des photos des premières cabanes à Saloué qui étaient construites avec des matériaux recyclés. Dans le fond, ils n'avaient pas accès à des matériaux, même si la HBC en avait, par exemple, l'achat leur était interdit. Donc, il y a eu tout plein d'innovations comme construire des maisons en pierre ici à Bernetouc. Puis sinon, ben, tout était un peu utilisé là, dans son plein potentiel matériel. C'est pas parce que, par exemple, une chose était dédiée à une fonction que elle pouvait pas l'être à autre chose. Ensuite, bon, je me suis intéressé plus en détail aussi aux premiers cabanes, aux premiers logements sociaux qui ont été amenés. Vous avez peut-être entendu parler des matchbox et des rigid frame. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mm-hmm. Oui. Donc, au tout début, ces habitations-là étaient construites par les Inuits. Ils arrivaient en pièces détachées, puis c'était à leur guise de les assembler à l'endroit où ils voulaient, puis de la façon dont ils voulaient. Ce qui fait que cette espèce de drôle de forme-là, qui conceptuellement est censée représenter l'ambiance d'une tente intérieure, a rarement été construite de cette façon-là. On va le voir plus tard, mais beaucoup des cabanes, des premières cabanes que j'estime avoir été construites dans l'échantillon que j'ai, reprennent les dimensions et les pièces qui correspondent à ce type de cabane. C'est un peu un réarrangement des morceaux dont ils ont eu accès. Ici, on voit que des matchbox étaient construites dans des campements en dehors des villages. Puis ultimement, ce qui est arrivé, c'est quand il s'en est suivi d'autres modèles de logements sociaux. Puis ces deux modèles-là, qui étaient les premiers, n'ont jamais été rénovés. Donc, beaucoup de cabanes, je les appelle encore des cabanes, mais à l'époque, c'était plus perçu comme des maisons, ont été transportées sur le territoire. Parce qu'ils ont une forme relativement filiforme, donc ils étaient capables de la prendre, puis de l'amener, de la démonter, puis de l'amener ailleurs, s'ils n'étaient pas déjà ailleurs. Puis bon, mais pendant que je vous parle aussi bon, des types d'habitations, je vous ai beaucoup parlé de qu'est-ce qui avait attrait au village de Saluit, mais il faut savoir que ailleurs, dans les Nuknungat, dans l'Arctique, il existe d'autres façons de l'habiter. Ces façons-là ne sont pas inconnues des gens qui habitent le Nunavik. En Alaska, sur les pentes abruptes, vous allez avoir des habitations à pilotis comme ça, qui sont faites avec des murs très rectangulaires, mais c'est des peaux de phoque. C'est leur habitation d'été. À l'hiver, ils sont dans des habitations troglodytes à l'intérieur de la pente. Ici, ça c'est à Clyde River, au Nunavut, sur l'île de Baffin. C'est une cache à nourriture qui est plus contemporaine. En haut, vous avez une cabane à Kuchiwak qui ressemble à nos cabanes de pêche qu'on a par exemple à Saint-Anne-de-la-Pérade, là. C'est qui se traîne derrière un skidoo et qui se place pour pêcher sur la glace. Au Groenland, en haut, l'habitation en terre, je pense que c'est celle-là. Je ne sais plus si c'est du Groenland ou de l'Alaska. Mais bref, c'est pour vous dire qu'il existe d'autres façons qui influencent aussi potentiellement les connaissances sur les cabanes. Puis qui, dans ce contexte-là, moi, m'ont aussi servi à travers le PFE que je vous présente. Donc, habiter la toundra, étudier les cabanes du fjord de Saluit. C'est précisément le travail de mémoire que j'ai fait. L'idée ici, c'est, à travers la décomposition, c'est de regarder à la fois le site du fjord, à la fois le site des campements, puis après ça, de prendre les cabanes individuellement, les unes des autres, pour créer tout plein d'échelles de décomposition, créer tout plein d'échelles où on décortique qu'est-ce qui est en présence pour essayer de comprendre c'est quoi les liens d'interdépendance, c'est quoi les interrelations entre ces choses-là. Ça paraît un travail énorme. Je ne prétends pas avoir réussi à tout traduire, mais il y a beaucoup de choses qui émanent de ce genre de lecture-là. Si je prends le fjord, par exemple, là, ici, je me suis inventé un quadra qui me permet de répertorier chacun des campements, puis d'en faire une étude. Ben, je vais prendre un exemple en particulier. Là. Je vais prendre le campement de Kigalo, qui est celui-ci. On ne le voit pas très bien, mais bon, je vais vous présenter plus tard des... Dites-vous que pour chacun des 20 campements qu'il y a, ce que je vais vous présenter est fait aussi... Ça fait du sens que vous comprenez? Donc, Kigalouk. Kigalouk, il y a 7 cabanes là-bas qui ont été construites, là, j'estime, entre les années 80 et aujourd'hui. Donc, il y a une phase de construction dans le temps. Donc, il y a potentiellement différents modèles, ce qu'on va voir. On les voit ici, les 7 cabanes. Ce que je faisais, moi, c'est, je suis allé là-bas 3 semaines, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des entrevues, mais j'ai surtout eu la chance avec un guide de me promener à travers ces cabanes-là, de les photographier, puis de les documenter, les mesurer, faire des relevés. À partir des informations que j'ai eues dans les entrevues, mais aussi à partir de photos satellites, j'ai été capable de remonter jusqu'à à peu près une vingtaine d'années, jusqu'à 2002, à savoir quelles cabanes étaient là, quels ajouts ont été faits, puis lesquels ont été déconstruits. Donc, il y a 20 ans, ben, on remarque qu'il y avait essentiellement là, des cabanes qui faisaient la côte ici, puis avec un noyau plus important ici. Dans le plus bas de la vallée. Ils ont été détruits, puis tranquillement, d'autres ont été construites un peu plus haut. C'est un phénomène qu'on remarque dans beaucoup, beaucoup de villages, de campements, où les nouvelles cabanes tendent à être plus en altitude, puis surtout sur des sols qui sont plus stables. Parce que ce que vous avez ici, là, si j'étudie par exemple les dépôts de surface, décidément, sédiments littoraux de plage, c'est des sédiments assez instables qui, avec le pergé du sol, sont appelés à bouger davantage. En bleu, vous avez le roc. Donc, il y a beaucoup de cabanes aujourd'hui qui se construisent, qui sont davantage appelées à se construire sur des sols plus stables. Est-ce que c'est à la fois le fruit de constats sur le mouvement des sols ou c'est le. Toutes les recherches qui sont faites sur le pergé du sol à Saluit qui influencent ça. Parce qu'à Saluit, il y a eu un glissement de terrain dans les 2007, si je ne me trompe pas, qui a créé beaucoup d'émoi parce qu'ils pensaient construire des maisons sur ce terrain-là, puis finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, les gens sont conscients des dangers de construire en terrain instable. Je n'ai pas de réponse par rapport à ça, mais c'est un phénomène relativement intéressant à constater. Oui, tu me dis? Les données de sol viennent d'où? Celle-ci, c'est un site que Michel Allard a étudié. Est-ce qu'il y a des données pour tous les campements du fjord de Saluit? Le gouvernement du Canada a des données pour tout le fjord de Saluit. Ce n'est pas des données aussi précises que celles de Michel. C'est-à-dire que c'est une lecture des dépôts de surface faites à partir d'une échelle plus haute, donc qui sont plus grossiers. Puis, dans le cas de quelques sites, là, à peu près 5-6, Michel a fait une étude plus précise de ces dépôts de surface-là parce que c'était des sites qu'ils envisageaient pour le déménagement du village. Donc, Kigalouk a été étudié pour ça parce que, bon, ici, on a du roc qui est potentiellement construisé, mais on en a ici aussi le plus bas, là, qui, dans le cadre de son étude, était intéressant pour ça. Fait que cette étude de dépôt de surface-là est très précise. Il y en a d'autres qui sont un peu plus grossiers. Et moi, je l'ai complémenté aussi avec qu'est-ce que je voyais avec des photos satellites très précises. À des endroits, c'était évident que le roc affleure, donc je l'ai identifié comme roc. À d'autres, donc du haut de mes faibles connaissances en géomorphologie, j'ai quand même pris une certaine latitude là, pour caractériser qualitativement là, ce que je voyais. Penses-tu que ça pourrait être avoir un lien avec, par exemple, les changements climatiques, oui. Le fait que, disons, ils déplacent les cabanes sur le... Ben c'est ça un peu que j'expliquais. Ouais. Je ne sais pas si c'est le fait qu'eux constatent que le sol bouge, puis c'est un moins bon endroit pour construire leur cabane, ou si c'est une espèce de conscientisation du fait que ben, ils ont connu des épisodes de mouvement de sol assez vite, connaissent les dangers potentiels des glissements de terrain, puis qu'ils se disent, ben, moi, ma cabane, c'est 1 plus 1 est construite dans un endroit semblable, ça serait peut-être une bonne idée que je la déplace ailleurs au stade. Parce que, bon, c'est ça, la plupart des cabanes qui étaient construites ici ont été déplacées. Ça pourrait être autre chose aussi, j'ai pas rencontré les gens. Quand je suis allé, je savais pas qu'il y avait des cabanes. Je l'ai vu sur les photos satellites. Je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. Mais ce serait une question à investiguer. Mais je vous en parle parce que c'est ça, je trouve ça intéressant. puis à travers les entrevues aussi, ben, ce qui est ressorti, c'est beaucoup les. Comment est-ce qu'on choisit un site de campement? Comment est-ce qu'on choisit où est-ce qu'on va placer notre cabane? Et puis, à travers chacun des sites, ben, j'ai essayé de voir si ces facteurs-là revenaient. Si effectivement, est-ce qu'on pouvait lire à travers le site ces éléments-là qui sont importants. Donc, le premier, c'est un rapport à un site traditionnel. Je vous dirais que pas mal tous les sites... en fait, je n'ai pas la compétence pour dire ceci est un site traditionnel par rapport à un autre. Dans le fjord, le document que j'ai, c'est une espèce de cartographie toponymique des endroits. Puis, effectivement, tous les campements ont un nom qui s'apparente à une espèce qui était chassée ou à un endroit où est-ce qu'on pêchait. Donc, ouais. Mais sinon, les autres facteurs, comme un élément distinctif, quelque chose qui, lorsqu'on parcourt le fjord, on est capable de reconnaître cet endroit-là au loin. Un palier d'observation qui nous permet de s'élever rapidement pour pouvoir voir les belugas, par exemple, ou les phoques qui traversent le fjord. Donc, avoir un œil sur le garde-manger. Avoir un accès à la marée basse qui est important, parce que à cet endroit-là, particulièrement, les marées sont très importantes. Donc, de pouvoir facilement décharger du matériel. Que ce soit des matériaux ou le stock qu'on a besoin lorsqu'on va camper là-bas. C'est un avantage intéressant. Puis de ne pas être, justement être pris par cette marée basse-là qui descend 200-300 mètres. Puis notre bateau est pris dans la nature. Une protection au vent. Il y a des vents très importants. Il y a d'autres endroits où cet élément-là n'a pas été considéré. Puis on a vu que les cabanes ont été emportées par le vent. Donc, il y avait des ruines de cabanes. Oui. Non. Dans le fond, la particularité du territoire de Sablé, c'est qu'il est très, très, très pentu. Il y a beaucoup, beaucoup de montagnes. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités de le parcourir en quatre roues. Le fjord joue vraiment un rôle de voie de communication principale, à l'exception de quelques campements là, qui sont ceux situés ici. Là. Ceux-là, il existe un chemin très, très, très chaotique pour se rendre en quatre roues, qui crée beaucoup de dommages sur la toundra aussi. Moi, quand j'ai visité Kigaluk avec mon guide, le fjord était trop mouvementé, donc on a dû se rendre en quatre roues. Et puis, on constatait les roulières que les quatre roues font en passant sur le territoire. Donc, il y a une partie du chemin qui a été faite par le Lanaudin, qui a été aménagé jusqu'à peu près au sommet de la montagne ici. Puis, j'ai l'impression que c'était dans le but, de ce que j'ai compris, c'était dans le but de poursuivre le chemin jusqu'au campement plus loin, mais il n'y a jamais eu de justificatif raisonnable pour amener un chemin qui coûte cher et qui demande beaucoup de machinerie jusqu'aussi loin. Sinon, ben, les autres... sont essentiellement accessibles en bateau. Il y en a un autre ici, là, j'ai remarqué par satellite là, un chemin qui sillonne à partir de la... qui sillonne dans la toundra ici, là, mais... Puis un étudiant, Michel, s'y est rendu aussi en quatre roues avec le même guide que j'avais. Mais effectivement, là aussi, c'est pas plus pratique. On peut pas penser à amener des matériaux par la route, en tout cas. Tout ce qui est construction se fait nécessairement par le fjord, surtout l'hiver, en ski doux, traîné par, sur des plateformes. Donc, voilà. Bon, ben, je vais vous parler un peu de ces critères-là de sélection. Donc, essayez de voir est-ce qu'ils se répètent dans chacun des sites. Puis enfin, un peu une espèce de, d'étude de distance relative entre les cabanes à la myopie. C'était plus comme de créer une tâche de qu'est-ce que le campement apparaît, puis voir si ces tâches-là s'apparentent les unes entre elles. Ça permettait de voir aussi plus facilement les éléments qui ressortent. Tu n'as pas besoin de bien voir, Geneviève, c'est justement le fait de... L'intention, c'est de voir flou, de voir si le barbeau que ça crée résolve. C'est plus un outil pour moi, ça, qu'un outil que j'interprète au final. Par la suite, je me suis intéressé plus précisément aux cabanes. J'ai regardé, par exemple, leur position relative par rapport à la côte en termes de distance et d'altitude. J'ai regardé leur... orientations, puis l'importance de leurs ouvertures. Donc, les espèces de cônes de vision que vous voyez, c'est une multiplication de la superficie de la fenêtre par rapport à son cadrage quand on prend un recul de 6 pieds depuis l'intérieur. Donc, c'est quelque chose que j'ai inventé qui est très qualitatif, mais qui permet de voir, par exemple, que cette cabane-là a un intérêt très, très, très prononcé pour la vue sur le fjord par rapport à une autre là, qui est plus en 360. Donc, c'était d'imager justement d'une autre façon qu'avec des photos puis pour pouvoir comparer ensemble les différentes orientations. Fait que ça, je l'ai fait pour Kigalo, mais bon, je l'ai fait pour chacune des cabanes que j'ai pu trouver. Ça fait beaucoup de cabanes. Puis si je le compare avec, par exemple, un autre campement que j'estime être plus ancien, ou du moins avec des cabanes qui sont d'une génération plus vieille, j'en viendrai plus tard. Ce qu'on remarque, c'est que définitivement, il y a une propension à s'ouvrir sur le paysage. Les plus vieilles cabanes, bon, en plus d'être plus petites, ils sont orientés d'une façon où on va retrouver la porte vis-à-vis le fjord, mais pas nécessairement une fenestration importante vis-à-vis le fjord. Celle-ci est toute récente. C'est une cabane qui a été construite à peu près aux alentours de 2016 ou 2017. Puis, clairement, l'intention, c'est d'avoir cette espèce de grande baie-là sur le fjord. Donc, j'y reviendrai un peu plus tard là, dans les différentes typologies qu'on peut constater à travers cette lecture-là. Puis, je voulais vous parler par rapport à la distance par rapport au fjord et à l'altitude, il y a aussi une différence. Je vous parlais tout à l'heure là, des cabanes plus récentes qui tendent à être plus en altitude, en altitude. Ils ont 8 mètres là, par rapport au niveau de l'eau, mais qui sont sur des sols plus stables. Donc, il y a une tendance à les avoir dans cette zone, dans ce spectre-là du rapport à l'eau, tandis que les plus vieilles sont souvent sur des terrains plus plats, donc à penser des cabanes qui ont été amenées là-bas plutôt que des cabanes qui ont été construites là-bas. Puis enfin, mais pour chacune des cabanes, pour chacune des cabanes, mais pour certaines cabanes, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Avec les relevés que j'ai faits, j'ai essayé de déconstruire cette cabane-là jusqu'au morceau de bois près pour voir ça a été quoi les stratégies de construction qui ont été faites à travers chacune d'elles. De façon préliminaire, ce que je constate, c'est que juste au niveau de l'implantation, les cabanes vont s'implanter en bordure du fjord, les unes à côté des autres, mais de façon assez dense. C'est-à-dire que dans un deuxième temps, les cabanes de seconde génération vont être tentées de rester près d'un cœur, mais vont aussi prioriser l'accès à une vue et l'accès aux autres facteurs qu'on a vus précédemment, que ce soit l'accès à l'eau potable, la vue, les berges accessibles. Donc, on parlait tout à l'heure avec Laurence là, de questions de densité. Ici, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de « ceci m'appartient, ceci t'appartient ». Il y a un peu comme une espèce de, d'entente tacite entre les gens sur comment est-ce que l'espace est négocié. Puis c'est surtout les gens qui choisissent où ils placent leur cabane, à côté de qui, avec qui. Donc, c'est des regroupements familiaux, c'est des regroupements amicaux. Puis la densité semble beaucoup plus importante là, que... en fait, elle est plus importante que celle qu'on a en village. Puis ça ne semble pas être un frein aux gens, parce qu'ils auraient pas vraiment pu là, continuer à s'implanter là, tout le long de cette rive-là. Là. Puis, enfin, de ce que je lis des cabanes, c'est qu'il existe un peu trois typologies qui ne sont pas complètement des typologies fixes, c'est-à-dire que il y a beaucoup de nuances tout au long du spectre de ces typologies-là. Il y a un modèle de base, comme je vous parlais tout à l'heure, là, qui m'apparaît implanté en terrain peu élevé, sablonneux, avec une orientation frontale face au fjord. C'est-à-dire que la porte donne face au fjord, puis c'est en même temps l'ouverture principale. À l'arrière, on a rarement d'ouverture. À l'arrière, on va retrouver une plateforme. Puis le plan intérieur de ces cabanes-là reprend beaucoup le plan qu'on pourrait avoir de celui d'un igloo. C'est-à-dire, on rentre, de chaque côté, on a du rangement puis des équipements pour faire à manger. Et puis, dans le fond, bien, on a une plateforme où toute la famille dort ensemble. La base de ces cabanes-là est partiellement enterrée, comme on le faisait avec les igloos aussi. On va essayer de couper le vent qui va passer en dessous pour créer plus de chaleur. Bon, la cuisine, couchette, plateforme. Puis bon, de par sa dimension, c'est des cabanes assez faciles à déplacer. Le modèle de seconde génération, c'est un modèle qui est là depuis plus longtemps, puis sur lequel on est venu rajouter des annexes. Donc, une première annexe, qu'on est venu rajouter des annexes, puis qu'on a pivoté aussi par rapport à l'orientation au fjord. Ça va être des cabanes qui sont perpendiculaires, puis où là, à ce moment, l'ouverture principale, c'est des fenêtres qui donnent sur la pièce de vue principale, qui donnent de la pièce de vue principale sur le fjord. Vous me suivez? Oui. Donc, on rajoute un porche qui redirige l'entrée de façon à ce que l'entrée fasse au fjord à nouveau. Puis des fois, dans certains cas de vent, par exemple, cette règle-là n'est pas toujours là. J'ai l'impression qu'il y a aussi une certaine lecture des vents. Comme ici, cette cabane-là, on a rajouté. De ce que j'en lis, moi, il y avait la partie derrière, ça ici, qui était là en premier. On a rajouté cette annexe-là. Après ça, pour rediriger la porte sur le côté, on a rajouté encore cette autre annexe-là. Celle-ci est plus développée, j'en parlerai tout de suite après. Je vais juste finir avec ça. Qu'est-ce que je vous disais d'autre? Bon, les ouvertures comportent deux ou trois annexes, puis souvent, la deuxième annexe qui est rajoutée, c'est une chambre à l'arrière. Donc, on vient séparer l'espace jour-nuit. On a un espace de repos. Puis, les igloos avaient ça aussi. Hein, on l'a vu quand on était une famille, avaient aussi différentes pièces. Donc, il y a une certaine parenté. Il y a d'autres éléments, comme par exemple l'espèce de. Les igloos appellent ça le nez de la maison, qui est un trou qu'on pratique dans le toit pour empêcher les intoxications au CO2. Dans les igloos, ils faisaient ça. Mais dans les cabanes, on remarque la même pratique. Puis ben, celle-ci ben, est relativement fixe à cause des annexes qu'elle a. La cuisine va souvent être dans le porche, comme c'était souvent le cas aussi avec les igloos. Puis enfin, le troisième modèle, qui est un modèle sur lequel on retrouve encore plus d'annexes, Celui-ci, comme je vous disais, ben, est souvent en terrain plus élevé, plus stable, plus rocheux. Donc, c'est une cabane qu'on a construite dans l'idée où, dans une idée de permanence un peu plus ancrée. Son orientation et ses ouvertures principales sont généreusement vers le fjord. Elle a plus de pièces et surtout beaucoup plus de mètres carrés. Ici, on a à peu près une vingtaine de mètres carrés. Là, on va être dans la cinquantaine à peu près. Puis les aménagements intérieurs sont confortables. On va avoir de l'eau amenée par un boyau depuis une surface. On va avoir du chauffage au mazout. On va avoir des antennes satellites pour écouter le hockey. On va avoir même du Wi-Fi. Il y a un campement, entre autres, qui est placé directement en face de sa lutte et qui réussit à recevoir le Wi-Fi du KRG du village. Puis apparemment, c'est un avantage pour ce campement-là par rapport à l'autre. Puis l'aménagement extérieur est important aussi. On va avoir des terrasses, on va avoir des cabanons pour ranger, pour garder un 4 roues sur place, par exemple, pour ranger des canaux. Avoir du matériel de séchage, ils font beaucoup sécher leurs poissons. Tout ce qui est nourriture chassée et préparée au campement, c'est à la fois plus propre parce qu'il n'y a pas toute une voiture qui passe comme dans le village. Fait qu'il y a tout le matériel de préparation et de transformation, ça fait beaucoup sur le territoire. Il y a comme une malheureuse habitude là, dans nos projets du Nord de montrer par exemple des caribous qu'on dépece au milieu du village. J'ai moi-même fait cette erreur-là, mais dans le fond, ça arrive jamais dans le village, ça arrive sur le territoire. Puis après ça, les produits transformés localement sont amenés au village. Moi, puis cela, ben, comme je vous disais, est beaucoup plus fixe. Ce qui m'amène à vous parler de mon PFE. Est-ce que j'ai combien de temps est-ce qu'il me reste? Ça va? Est-ce que j'avais quelque chose que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Ben, ouais, je peux peut-être faire un petit wrap-up là, de ce qu'on a vu par rapport aux mémoires, puis je reviendrai au pire après avoir présenté le PFE. Mais ce que je pense qui est important de retenir de toute cette lecture-là, des cabanes, c'est pas de voir comment les qualités pourraient être directement transposables au village. Faut considérer que les villages ont leurs qualités, et c'est pas tout le monde qui veut, qui peut ou qui veut habiter dans un campement ou dans une cabane qui recherche ça. Donc, il existe une multitude de façons d'habiter le Nord. Puis que les campements, les cabanes, c'est une partie de ça. Et que cette habité-là a ses qualités, mais que ce n'est pas des qualités qui sont transposables dans tous les contextes. Encore plus du fait que, là, je vous présente Saluit, mais des cabanes que j'ai vues à Pouvernitouk ou à Pujuak, ce ne sont pas construites exactement pareil. Petite question, peut-être plus côté matérialité. Là. Je ne sais pas si c'est juste un addon puis la troisième maison avec comme des vraies fenêtres, si on veut. Mm-hmm. Mais est-ce que tu as plus remarqué quelque chose au niveau de la matérialité sur le temps ou est-ce que ça, c'est un peu qu'est-ce qui peut être trouvé finalement? Oui. Les fenêtres ici, c'est des vraies fenêtres, mais c'est des fenêtres recyclées. Qui viennent des modèles de maisons de la SHQ qui ont été rénovées. Fait que si tu regardes les plans de maisons SHQ, c'est exactement les mêmes fenêtres. Sauf qu'à la différence d'être verticale comme ça, si je me souviens bien, il y en avait qui étaient changés de côté. C'est quand même cool parce que, bon, au niveau de matérialité, moi, ce que je constate, c'est que les matériaux qui s'offrent à eux ne sont pas du tout perçus selon leur ce à quoi ils devraient servir de façon standard. Il y a une perception beaucoup plus artisanale de la matière qui est liée à ses propriétés. On va prendre un matériau et on va faire « Ah, ben ça, à quoi ça pourrait servir? » Fait que tout ce qui est recyclé est beaucoup transformé ou détourné à travers la cabane. Puis c'est vrai que ben, la cabane de troisième génération que j'appelle, penser qu'elle est là depuis plus longtemps aussi, peut-être. Ou que, à tout le moins, il y a eu beaucoup plus d'investissements en temps puis en énergie à travers elle. Donc, beaucoup plus de matériaux de qualité peut-être ramassés à la décharge que celle-là qui est davantage une cabane où, qui nous sert de base camp pour aller chasser, par exemple, qui va nous servir deux jours. Tandis que celle-là, ben, je peux passer une semaine, chasser pendant plusieurs jours, puis revenir. Donc, il y a aussi une différence dans comment est-ce que les gens habitent ce genre de cabane-là, puis les gens habitent ce genre de cabane-là aussi. Puis j'ai l'impression que beaucoup plus de gens aspirent à vivre dans une cabane aujourd'hui comme celle-là. C'est la tendance que je perçois, parce que les cabanes que j'ai vues de ce modèle-là, s'ils étaient encore habités, ils n'étaient pas... la plupart étaient abandonnés. Puis on me disait, ah ben, j'ai jamais vu personne, mon guide ou mes informateurs me disaient, j'ai jamais vu personne dans ces cabanes-là depuis 20 ans. Tu sais, les vrais campements, ben, c'est Kigalouk, c'est Tunic, c'est l'île. Il y a une île à l'entrée de Salouette, là, où son nom m'échappe. Mais où justement, il y a des cabanes qui ressemblent plus à ceux-là. Puis, je veux juste finir sur ce que tu me disais par rapport à la matérialité. Le meilleur exemple que j'ai par rapport à ça, c'est pas un exemple de construction de cabane, mais c'est quand j'ai visité le workshop communautaire. Il y avait un gars, un ado, qui faisait des houlous, là, des couteaux en forme de demi-lune. Mm-hmm. Puis, je lui demande, ben, comment est-ce que tu les fais? T'sais, j'ai trouvé super beau, il en faisait tout plein. Puis, là, il me sort ses patrons, qui sont pas découpés dans du carton à céréales. Je lui dis, ouais, mais tu prends où ton métal? Puis là, il prend une scie toute neuve, là, qui appartient à l'atelier, qui a encore l'étiquette dessus. Il la coince dans l'étau, puis avec son marteau puis un petit outil, il commence à découper le couteau dans la lame de la scie. Puis pour lui, c'était tout à fait normal. Il me disait, ben, ce métal-là, c'est le métal parfait parce qu'il y a la bonne flexibilité, puis en même temps, il y a la rigidité que je veux dans... Fait que quelque chose que nous, on considère comme un produit fini, lui, il voyait dans ce matériau-là qui est la scie encore un filon continu de potentiel, puis de devenir, puis de... Puis j'ai l'impression que ça témoigne beaucoup de la façon dont ils perçoivent chacun des matériaux qu'ils ramassent. Puis qu'ils trouvent une façon de les intégrer dans leur architecture qui est les cabanes. Ma question, c'est par rapport à la plastique. Tu dis, bon, il y en a, c'est plus un camp de base pour la chasse. Est-ce qu'il y en a qui vont passer une semaine en vacances ou en vacances avec l'année? C'est quoi le... À l'année, je pense pas, parce qu'il y a une grosse dépendance entre le village et la cabane. Ça revient beaucoup dans les entrevues. J'aimerais ça passer plus de temps à mon campement, à ma cabane, mais mes vacances, c'est juste là. T'sais, puis c'est un peu des fois un contexte comme le nôtre où ça me prend des sous pour pouvoir y aller. J'ai besoin, il faut que j'achète de l'essence, il faut que j'entretienne mon skidoo, il faut que j'entretienne mon bateau. Il faut que je puisse amener de la nourriture parce qu'il... Bon, si beaucoup de nourriture vient du territoire, il y a aussi beaucoup de nourriture qui est achetée. Parce qu'ils ne parviennent pas à subvenir à tous leurs besoins avec la nourriture chassée. Donc, il y a une interdépendance entre ville et village. Puis, c'est là où l'idée que les cabanes ou les campements ne sont pas entièrement transposables dans leur qualité à ce qui se fait dans le village. Il faut plus les voir comme une espèce de... découmène où cette interdépendance-là, ben, elle pourrait être célébrée puis félicitée. Et le rapport n'est pas seulement une cabane pour dormir là quand on veut chasser parce qu'il est proche du terrain. Non, non, non. Récréatif. Oui, c'est ça. Comme j'expliquais au début, tu sais, il y a beaucoup de... Il y a du plein air maintenant qui se pratique. Là. Les gens vont vouloir faire de la randonnée. Ils vont vouloir. Les rencontres familiales vont se faire là aussi. La transmission de beaucoup de savoir-faire locaux, que ce soit pas juste de la chasse, mais par rapport à la couture, par exemple, par rapport à l'histoire orale, se transmet plus facilement dans un lieu qui a une résonance historique. Hein, si le campement est implanté près d'endroits où on a toujours fréquenté, ben, de raconter les histoires de cet endroit-là sont intéressantes. Il y a des jeux, des rencontres. Bref, puis souvent, des gens me disaient, ce que j'aime à propos du campement, c'est que ça me permet de m'échapper de la craziness du village. Il y a une espèce de d'activité, même si c'était pour nous, ça nous apparaît petit, 1600 habitants, là, pour eux, c'est quand même quelque chose où il y a toujours de l'activité. Il y a toujours un camion qui se promène pour aller livrer du gaz ou de l'eau. Il y a toujours aussi ce stress-là qui est propre à notre paradigme, à nous, qui déteint nécessairement sur... Est-ce que c'est un rapport au chalet qu'on peut tout à fait comprendre? Oui, il y a une partie de ça aussi. Mais comme la cabane incarne aussi la possibilité d'aller chercher toute ta nourriture, il estime à peu près à 50% de la nourriture que les gens consomment vient du territoire. Donc, c'est là l'idée de dépendance. Là. Si les cabanes n'étaient pas là, ils ne permettraient pas d'aller plus loin pour chasser, ils ne permettraient pas d'accéder à ça. Donc, ils ne permettraient pas aussi de reproduire tout ce que le village ne permet pas en termes de transmission culturelle, puis de sens culturel, puis d'habité culturelle. C'est vraiment un canal pour retrouver un sens inouï d'habiter le Nord. Un sens qui n'était pas celui d'il y a 50 ans, là, mais qui a évolué à travers la pratique du territoire, à travers les contextes et les contraintes qui sont imposées à eux, mais qui est quand même beaucoup plus près de leur façon à eux de percevoir tout ce qui est... de percevoir leur vie, qui n'est pas imposée par des habitations toutes alignées pour permettre aux camions de passer avec tous les systèmes gouvernementaux. Tu sais, je veux dire, je pense que faut pas dénier le fait que le confort du village, en habitant dans le village, les gens ont accédé à un confort beaucoup plus important que celui qu'ils avaient avant. Puis souvent, ce que les gens me disaient, je voudrais jamais retourner vivre dans un igloo ou dans une tente. Mais en même temps, ce dans quoi j'habite aujourd'hui ne me ressemble pas. Puis quand j'ai l'occasion, je veux juste aller dans mon campement, aller dans ma cabane. Pas pour m'exclure des autres, mais pour me retrouver avec les autres, avec ce qui me ressemble plus. Puis des fois, c'est faut pas entendre ça comme retrouver physiquement, mais retrouver aussi presque spirituellement. Ouais. Et j'imagine qu'il y a aussi un rapport peut-être avec les jeunes, parce que là, ce que tu dis, ça peut faire écho aux générations un peu plus anciennes, mais les jeunes qui ont toujours connu que ces villages-là, ça doit être aussi un aspect important pour eux. Autant il y a beaucoup de jeunes qui trippent chasse, qui trippent campement, qui trippent construction, qui veulent se retrouver dans cet habitat-là. Il y en a d'autres pour qui ça rejoint moins. Puis à ce moment-là, des fois, souvent, c'est plus difficile pour ces jeunes-là, parce qu'ils se retrouvent entre un village dans lequel ils ne se sentent pas nécessairement bien, pour toutes sortes de raisons. Puis une solution qu'ils leur est proposée qui n'est pas nécessairement la même. Fait que c'est de là de voir est-ce que quel genre de complémentarité village et cabane peuvent avoir pour soutenir différentes façons d'habiter le Nord. Puis je vous parlais tout à l'heure des campements qui ont accès au Wi-Fi. Ben, il y avait des gens qui me disaient ben ça pour les jeunes, c'est une façon, ceux qui ne veulent pas aller sur le territoire parce que bon, ils trouvent ça ennuyant. Ben, quand ils ont accès à leur PlayStation ou à leur Wi-Fi sur le territoire, ben là, ils ont le goût de se retrouver avec leur famille, puis par la bande, ils se trouvent à participer à plus d'activités qui font en sorte qu'ils se sentent bien. Ils ne se retrouvent pas dans des situations non désirables là, où. Voilà. Donc, c'était quoi ta question à l'avance? Ce n'est pas une question, c'est plus le renard. Okay. Parler du PFE. On verra des questions à la présentation. Le PFE, là, je vous le présente après le mémoire, mais il est arrivé assez en début de processus. Enfin, au moins, il a été un outil pour comprendre un peu tout ça. Me questionner sur c'était quoi le campement, c'était quoi une cabane. Donc, j'ai fait J'ai fait mon terrain à l'été 2018. Et puis le PFE, je l'ai fait tout de suite en revenant du terrain à l'automne 2018. Puis après ça, ben, ça m'est suivi les dessins, les analyses. Puis aujourd'hui, je suis en rédaction. Donc, c'est pas vraiment compliqué dans le fond. La problématique, est, vous l'aurez tourné là. On comprend que les campements, les cabanes, c'est un peu un pilier de l'identité et du bien-être local, de différentes façons. Et que l'accès, ben, il demeure difficile en raison des coûts élevés de déplacement et des coûts des matériaux. Donc, si d'une part, ben, on revendique une meilleure accessibilité au territoire pour permettre un peu d'accéder à ce bien-être-là, ben, depuis de nombreuses années, la résilience des bâtiments est interpellée, ne serait-ce que par leur disposition, leur arrangement, mais aussi les matériaux. Puis on appelle beaucoup une forme d'autonomie qui pourrait être propre au Nord. C'est pas juste des matériaux, dans le fond, qui proviennent du Sud, des façons de construire du Sud, puis des compréhensions du Sud. Donc, la mission que je me suis donnée à travers ce PFE-là, ben, c'est d'imaginer ou de questionner une façon de favoriser ce bien-être-là par l'accès au territoire, la valorisation des ressources locales, puis la transmission des savoir-faire locaux. Donc, qu'est-ce qu'incarne le campement? La question, ben, comment est-ce que l'architecture peut promouvoir ce rapport bienfaisant et soutenable entre territoire et communauté? Puis l'hypothèse, ben, c'est vraiment un plus 1 égale 2. Là. Favoriser l'implication locale, des principes de logique constructifs, principes constructifs qui sont appropriables, puis d'engager de manière sensible des rapports coévolutifs entre justement village et campement. Donc, quand j'ai commencé, j'avais pas tout le bagage théorique que je peux avoir aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je suis beaucoup allé chercher, je me suis intéressé à qu'est-ce qui faisait, c'était quoi les déterminants de l'architecture vernaculaire qu'on reconnaît à travers le monde qui font que c'est des architectures qui sont résilientes, par exemple, qui font que ce sont des architectures qui sont plus vertes, qui offrent une bonne connectivité avec le milieu dans lequel ils sont, qui permettent la coévolution entre le milieu humain et le milieu environnement. Ça m'a permis d'identifier trois enjeux, un enjeu poétique, un enjeu écologique, puis un enjeu technique. Puis, à travers ça, ben, c'est là qu'intervient le IQ, l'Inuit Ojibwa-Tukanjit, c'est un peu un ensemble de valeurs, une maxime qui résume la façon de penser Inuit, qui a été développée pour, à la base pour l'enseignement, mais qui s'applique pour toutes sortes de choses aujourd'hui. Donc, à travers ça, j'ai essayé de faire le balan entre une théorie architecturale puis un paradigme culturel. Puis de voir, ben, est-ce que ces critiques-là, ces concepts-là, est-ce qu'il y a un pont à créer entre les deux? Est-ce qu'il y a un balan à les retrouver puis à les questionner à travers les enjeux? Donc, à partir de là, je me suis développé des objectifs. Donc, un objectif écologique qui était de penser à des stratégies passives, d'utiliser le matériau naturel, d'avoir aussi une flexibilité dans la construction, que des fois ça puisse être une habité, que des fois ça puisse l'être, qu'il puisse avoir différentes fonctions à travers le temps, une évolution dans dans la programmation. Un objectif tectonique qui était surtout orienté vers le low-tech. Puis après ça, ben, un objectif programmatique. Par rapport à, après mon terrain, puis à travers les lectures que j'ai faites, ben, c'est quoi les fonctions qui s'arrimeraient bien à. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce que c'était quoi hein, le sujet. Je suis peut-être perdu. c'est c'est faire un campement pour la transmission des savoir-faire locaux. J'aurais dû vous dire. Est-ce que j'ai besoin d'en revenir un peu pour peut-être. Non. Ça... bon, ça a été confus, mais c'est ça. Dans le fond, c'était à partir des observations que j'ai faites, voir est-ce que il y a ce lien-là plus soutenable entre territoire et communauté peut se faire à partir d'un campement pour la transmission des savoir-faire. Donc, d'inviter les jeunes, puis les moins jeunes, à trouver une façon plus facile d'accéder au territoire et de se rencontrer. Fait que c'est une cabane. Une grosse cabane. Donc, le terrain d'étude, j'en ai un peu parlé, mais en même temps que je regardais, puis que je mesurais, puis que j'analysais les cabanes, je suis là aussi pour me créer une espèce de grammaire matérielle de qu'est-ce qu'il y a de disponible comme matériaux locaux. Donc, la tourbe, des gabions, des matériaux recyclés, du duvetois, de la neige, des matériaux de source animale, etc. Puis, ben, c'est sûr que les entrevues que j'ai faites pour le mémoire, puis dans d'autres exercices aussi du partenariat, m'ont aidé à travers ça. Bon, j'ai fait des. Je vais passer vite là-dessus, mais ça m'a aidé de faire des profils d'occupants, de faire des profils d'activités à travers l'année, de regarder justement pour l'élection d'un site. Quels étaient les critères. À cette époque-là, ils n'étaient pas aussi définis. Puis c'était important pour moi de trouver un site qui puisse être facilement accessible depuis le village. Donc, qui puisse être accessible par les étudiants de l'école, qui puisse être accessible par les étudiants de la maison des jeunes, du centre d'intervention, puis qui correspondait aussi à toutes les contraintes techniques par rapport au vent, par rapport à l'ensoleillement, par rapport aux dépôts de surface. Donc, le site qu'on a rapidement choisi, là, c'est un site qui se trouve à 2 km là, du village. Puis que, comme je vous disais, bien, ici, on a un chemin. C'est le chemin qui a été aménagé, puis qui arrête là, à peu près à partir d'ici. Là. Donc, celui-ci se fait autant à pied qu'à moto. Bon, des explorations formelles et... de dessin. J'avais mis ça parce que je voulais dire à travers ce processus-là que naturellement, j'ai pas été capable de m'expatrier de moi-même. je veux dire, le projet que je fais est hautement teinté par la personne que je suis. Puis, comme concepteur, comme architecte, comme designer, on s'en sortira jamais de ça. Là. Je veux dire, on influence toujours qu'est-ce qu'on produit. Puis c'était dans une idée où, ben, plutôt que de la réfréner et d'essayer de faire le projet qui soit le plus adéquat possible, ben, d'accepter aussi cette part-là d'induction personnelle, de compréhension personnelle, puis de voir le projet comme une proposition à discuter plutôt qu'une solution. Donc, je vous parle du site, des intérêts à proximité que j'avais. Ici, ce qui était plus intéressant de remarquer, c'est l'espèce de phasage qu'il y avait dans la proposition d'avoir une cabane qui n'est pas construite dès le départ. Un peu comme les cabanes sur le territoire sont composées en différentes annexes, ben ici c'est un peu la même chose. D'avoir une première phase qui est la phase peut-être qui offre la fonction la plus essentielle de salle communautaire, salle de rencontre, salle de séjour, puis qui au fur et à mesure que le projet se développe, bien, cette salle-là devient un atelier où c'est possible de construire des murs en terre ou sec, par exemple, de transformer la matière. Après ça, c'est d'avoir aussi une espèce d'implantation qui répond à des contraintes qu'on rencontre dans le village ou qu'on rencontre dans d'autres sites. Vous savez, à Salouit, le centre du village est très, très... Là, j'ai surtout construit ici en ce moment. C'est très sujet au tassement du sol. Puis, les autres sites exploitables, c'est des sites surtout en pente. Puis encore plus ici, ce qu'on ne voit pas sur le reste de la carte. Donc, est-ce que je me suis servi de l'occasion... Oups, dans l'autre sens. Je me suis servi de l'occasion aussi pour essayer de questionner comment est-ce qu'on peut construire quelque chose de simple, mais à la fois de graduel à travers cette pente-là. Donc, d'épouser un phasage dans une pente. Au niveau constructif, j'ai essayé d'intégrer, comme je vous disais, les matériaux locaux, que ce soit la neige, par exemple, dans les fenestrations. Beaucoup des fenestrations du projet sont assez grandes. Puis dans un contexte nordique, ça paraît un peu trop généreux. Mais c'est quelque chose que les gens veulent. Les gens veulent avoir un contact sur le territoire. Ils veulent avoir ces grands espaces-là. Puis comme je sais plus qui disait ça tantôt, là, mais tu sais, il y a beaucoup d'influence de ce qu'on peut voir à la télé. Puis à la fois, les gamins le démontrent aussi, cette idée-là d'avoir un plus grand contact avec l'extérieur. Mais en même temps, comment est-ce qu'on gère tout l'apport de froid que ça a? Est-ce qu'il peut y avoir une fenêtre, par exemple, qui est interchangeable, dans laquelle, par exemple, un premier cadre est en acier, puis un autre, un premier cadre en acier fixe, puis un autre est en bois, qui lui est interchangeable, dans lequel on peut venir entasser de la neige, par exemple, pour créer une isolation partielle à un moment de l'année, ou dans lequel on peut prendre des caissons, puis venir les stacker avec un espèce de pot de phoque qui sert de coupe froid. Donc ces caissons-là isolés servent à l'hiver, puis à l'été, bien, on a cette grande ventilation-là, cette grande ouverture qui est souhaitable. Vous voyez pas très bien sur les... je passerai la présentation, mais à travers les murs, bien, d'utiliser, oui, de la terre, mais aussi de l'isolation, que ce soit en algues ou en duvet d'oie, donc de trouver une espèce de composition murale qui permet l'usage de ces matériaux-là qui ne sont pas aussi résilients que des matériaux industriels. Mais si, par exemple, on peut ouvrir les murs avec... puis que les murs sont recouverts non pas de contreplaqué ou de gyps, mais de quelque chose de plus souple, un canevas, par exemple, qui est snappé, bien là, on peut facilement ouvrir le mur, vérifier s'il n'y a pas de la moisissure ou des inconduits non désirables, puis ben justement prolonger l'entretien de la maison. Ces canevas-là peuvent servir aussi à faire de la broderie, comme il se faisait traditionnellement sur les habits inuits, ou des estampes. Donc ça peut être un espace de création. Qu'est-ce que je racontais d'autre aussi? À travers ce campement-là, il y avait l'idée d'avoir des cabanes un peu à part aussi. Donc d'avoir un programme plus communautaire au centre, puis d'avoir ces cabanes-là qui servent à des familles individuelles, par exemple, ou à d'autres types de groupes, d'avoir un endroit pour faire le séchage de la nourriture. Le mur de terre, ben, il y avait des briques de terre ici, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais bon, à l'intérieur aussi, on voit l'utilisation du pisé, qui est à l'endroit où on va avoir des stations de chauffage, là, donc d'utiliser la masse thermique pour créer l'inertie thermique dans le bâtiment. Et au niveau du plan, ben, l'idée c'était de créer des espaces concentriques pour créer dans les espaces plus communs, puis des espaces projetés vers le paysage, dans les espaces de repos ou d'enseignement de la tradition. L'idée à travers les cabanes aussi, c'est un peu de reprendre l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans l'habitat traditionnel, à travers les formes, puis à travers les composantes qu'on retrouvait, comme une lampe à huile, par exemple, puis les espèces de phasage dans l'entrée de ce bâtiment-là. Donc, je terminerai là-dessus, juste pour dire que, ben, justement, le PFE que j'ai fait là, pour moi, ça a été un outil pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait trouver une façon d'innover puis de valoriser le territoire. Je ne prétends pas que mes solutions sont des bonnes solutions, mais je pense que ça démontre à tout le moins qu'il y a une expertise sur le territoire, puis que cette expertise-là, il faut trouver le moyen de travailler avec, ou il faut trouver le moyen de lui faire de l'espace pour qu'elle puisse s'exprimer.